André Chénier, La jeune Tarentine. Lue par Églantine pour audiocité.net. Pleurez, doux Alcyon, ô vous, oiseaux sacrés, oiseaux chers à Tétis, doux Alcyon, pleurez. Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine. Un vaisseau la portait au bord de Camarine. Là, l'hymen, les chansons, les flûtes, lentement, devait la reconduire au seuil de son amant. Une clé vigilante a, pour cette journée, dans le cèdre enfermé sa robe d'Hyménée et l'or dont au festin ses bras seraient parés et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. Mais seul sur la proue, invoquant les étoiles, le vent impétueux qui soufflait dans les voiles l'enveloppe. Étonnée et loin des matelots, elle crie, elle tombe, elle est au sein des flots. Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine. Son beau corps a roulé sous la vague marine. Tétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher, au monstre dévorant eut soin de le cacher. Par ses ordres, bientôt, les belles Néréides l'élèvent au-dessus des demeures humides, le portent au rivage, et dans ce monument, l'ont au cap du zéphyr déposé mollement. Puis, de loin, à grands cris appelant leurs compagnes, et les nymphes des bois, des sources, des montagnes, toutes frappant leurs seins et traînant un long deuil, répétèrent, hélas, autour de son cercueil. Hélas, chez ton amant tu n'es point ramené, tu n'as point revêtu ta robe d'Hyménée. L'or autour de tes bras n'a point serré de nœud. Les doux parfums n'ont point coulé sur tes cheveux.